Well, yesterday I mentioned that I would speak about protective meditations today. There are four guardian meditations, and these are traditionally taught to meditators, because whether we're doing Vipassana or Samatha meditation, these are recommended meditations that help support our practice and also help us be able to practice free of disturbances. When we're going to do something important, we should make sure that we can do it undisturbed. So sometimes when we're at work, you know, there's security measures that people take to keep their workplace safe. And when we're on retreat, these four guardian meditations are something that we do in order to establish protection. Protection is best if it's established in advance, before there's a need for it. And these four protective meditations are recollection of the qualities of the Buddha, Buddhanusati, metta bhavana, or development of loving kindness, asupa bhavana, recollection of, or let's see, meditation on the foul aspects of the body, and maranasati, recollection of death. Donc hier, j'ai mentionné que le fait que je parlerai aujourd'hui des méditations protectrices, il y a quatre méditations protectrices, et ces méditations sont traditionnellement enseignées aux méditants, que ce soit les méditants de Samatha ou de Vipassana. C'est une pratique qui permet de soutenir la méditation, parce qu'elle nous libère des perturbations. Lorsqu'on s'apprête à faire quelque chose d'important dans la vie quotidienne, il faut toujours s'assurer qu'on ne sera pas dérangé, qu'on ne sera pas... qu'il n'y aura pas de problème. C'est comme, par exemple, les ouvriers sur un chantier, ils doivent prendre des mesures de sécurité pour garantir la sécurité, pour garantir la sûreté. Et quand on se rend à une retraite, il est important de le faire afin de nous protéger, de prévenir les dangers éventuels avant qu'ils ne surviennent. Il y a donc quatre méditations protectrices. Buddhanusati, la contemplation des vertus du Bouddha. Ensuite, Metta Bhavana, le rayonnement de l'amour bienveillant. Ensuite, Asubha Bhavana, la contemplation du caractère repoussant du corps. Et enfin, Maranasati, l'attention à la mort, le fait de se souvenir qu'on va mourir. Donc la première de ces méditations protectrices, Buddhanusati, se décompose en Bouddha et Anusati. Anusati, c'est le souvenir, la remémoration, et Bouddha, ici dans ce cas-ci, ça fait référence aux qualités du Bouddha, donc la remémoration des qualités du Bouddha. Par exemple, il y a plusieurs façons dont on peut se remémorer les qualités du Bouddha, mais un exemple, c'est de le faire lorsqu'on récite la formule Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, comme on vient de le faire maintenant, avant de prendre les préceptes. Et Sayali a oublié de regarder la traduction exacte, mais on peut le traduire par hommage au bienheureux qui est pur et parfaitement illuminé. Donc, lorsque on le récite, si en même temps on comprend la signification des mots, alors on peut considérer que c'est une forme de pratique de Buddhanusati. Alors le premier de ces mots dans Namo Tassa Bhagavato Arahato, c'est Arahato, qui vient de la racine Arahan, et qui signifie libérer des kilesas, c'est-à-dire des pollutions mentales. Et aussi, dans ce mot qui peut avoir plusieurs significations, on peut comprendre le mot arahati qui signifie qui est digne d'un respect particulier. Et pourquoi est-ce que le Bouddha est digne d'un respect particulier? Eh bien, c'est parce que il s'est purifié en raison de sa pureté. Un autre sens de araham, c'est le fait que le Bouddha ne commettait aucune action répréhensible, même en secret. Parfois, les gens commettent des actions un peu indignes, mais ils n'aiment pas le faire en public, ils le font en cachette. Mais dans le cas du Bouddha, donc, il était entièrement pur, moralement pur, et il ne... Et c'est ce qu'il faisait en public correspondait aussi à ce qu'il faisait en privé. Donc, le Bouddha est digne de respect pour cette raison-là aussi. Il est digne de respect parce qu'il a une pureté morale parfaite et aussi parce qu'il est entièrement libéré des kilesas, des pollutions mentales. Un autre mot donc, dans la phrase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, c'est Sama Sambuddha, qui signifie entièrement libéré par soi-même. Le Bouddha n'avait en effet personne pour lui enseigner comment devenir un Bouddha. Ce n'est pas comme nous, si par exemple nous voulons devenir docteur ou avocat, nous devons apprendre ces compétences d'autres gens, ou alors nous devons lire des livres ou bien aller sur Internet. Mais donc, dans le cas du Bouddha, personne ne lui a enseigné. La façon dont un Bouddha atteint l'illumination est différente de la façon dont les autres personnes atteignent l'illumination. Donc, comment est-ce que le Bouddha est devenu illuminé? Eh bien, c'est en pratiquant les 10 perfections, les paramis en pali. Les 10 perfections, donc c'est d'abord la générosité, ensuite sila, ensuite le renoncement, ensuite l'effort, et ensuite, Sayali ne se souvient plus tout à fait de l'ordre, mais il y a encore l'amour bienveillant, l'équanimité, upeka, panya, la sagesse, etc. Et donc ce sont des qualités mentales saines, bénéfiques, et quelqu'un qui va devenir un Bouddha, qu'on appelle un Bodhisattva dans les écritures, quelqu'un qui a fait le vœu de devenir un Bouddha, doit pratiquer ses perfections pendant une très très longue période. Les écritures parlent même de 4 éons et 100 000 cycles universels, ères cosmiques, donc 4 éons et 100 000 ères cosmiques. Et le Bouddha, donc, qui était à ce moment-là encore un Bodhisattva, a fait le vœu, a aspiré à devenir un Bouddha lorsqu'il a vu un précédent Bouddha qui s'appelait Dipankara Bouddha. Et à ce moment-là, il a pensé, quel bénéfice y a-t-il à ce que moi seul, j'atteigne l'illumination, si je veux aider toute cette multitude d'êtres, je ne peux le faire que en me perfectionnant et en devenant un Bouddha. Donc pour cela, il faut perfectionner les paramis. Et donc, le Bouddha a dû pratiquer, notamment pour la première de ces 10 perfections, la générosité, il a dû pratiquer de 5 façons l'abandon des possessions et des choses personnelles. D'abord les petites possessions, et puis même les membres du corps, les organes, et puis finalement même sa propre vie. Et tout ça, il l'a fait dans le but d'atteindre la bouddhéité, de devenir un Bouddha. Il a aussi dû pratiquer trois types de pratiques, la pratique au bénéfice du monde, la pratique au bénéfice de la famille ou de sa race, et la pratique au bénéfice de la bouddhéité. Et ce n'est que quand il a accompli toutes ces pratiques qu'il était prêt à devenir un Bouddha. Mais même dans sa dernière existence, il a encore dû pratiquer 6 années, il a dû renoncer à sa vie confortable de palais et pratiquer pendant 6 années les austérités. Et donc le résultat du développement de ses perfections, de ses paramis, c'est qu'il a été capable de déraciner toutes les pollutions mentales, y compris l'illusion, y compris l'ignorance. Il était capable de comprendre n'importe quelle chose à laquelle il appliquait son esprit. Et donc le terme que l'on récite dans cette phrase, Samma Sambuddhassa, là-dedans il y a Bouddha qui signifie savoir, il y a Samma qui signifie correctement et complètement, et il y a Sam qui signifie par soi-même. Donc quand on récite cette phrase, c'est ça la signification littérale de ce mot, c'est quelqu'un qui a atteint la compréhension complète et correcte entièrement par lui-même. Donc cette pratique de la remémoration des qualités du Bouddha peut avoir plusieurs bénéfices, comme par exemple être à l'abri du danger ou à l'abri des ennemis, de l'inimitié, ou alors le bénéfice d'avoir un esprit clair, le bénéfice de comprendre, d'apprendre rapidement, d'apprendre des choses nouvelles rapidement, le bénéfice de pouvoir développer la connaissance. Mais bon, ce sont quelques-uns des bénéfices, mais il y a un bénéfice plus important, le bénéfice principal qu'on en retire, c'est quand on médite, d'être à l'abri des images ou des méditations effrayantes. Donc parfois quand on médite, on a ce genre d'images qui viennent dans l'esprit, mais si on a l'habitude de réfléchir ou de se remémorer les qualités du Bouddha, on s'évitera ces peurs. Pour certaines personnes, ce n'est pas évident de placer ainsi sa confiance dans des individus. Ils ne sentent pas une dévotion particulière pour les individus, et ils auront difficile à développer ce genre de confiance. Dans ce cas, ils peuvent réfléchir aux qualités du Dhamma. Donc le Dhamma, c'est ce qu'on pratique ici, c'est l'enseignement qu'on met en pratique. Et il est dit du Dhamma qu'il est bon au début, qu'il est bon au milieu et qu'il est bon à la fin. Et comment le Dhamma est-il bon au début, au milieu et à la fin? Il est bon au début parce que lorsque l'on entend les bons mots, notre esprit devient calme et pacifié. Il est bon au milieu parce que lorsque on met cet enseignement en pratique, comme les yogis le savent à présent, ils tentent toujours de garder l'esprit sur l'objet primaire, de revenir toujours à l'objet primaire. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de pensées, que c'est difficile, mais ils se rendent compte aussi que s'ils continuent à noter, ces pensées ont tendance à diminuer, elles sont de moins en moins nombreuses, et donc ils expérimentent déjà les bienfaits du Dhamma. Donc c'est pour ça que le Dhamma est bon au milieu. Et il est bon à la fin aussi parce que s'il continue ainsi, étape par étape, ils développent de plus en plus leur connaissance. Et donc nous devrions avoir confiance et on devrait développer une foi dans la pratique, parce que cette confiance, si on dispose de cette confiance et de cette foi, c'est déjà suffisant pour rendre la pratique effective. Donc, soit pratiquer Buddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha, soit pratiquer Dhamma Nusati, la contemplation des qualités du Dhamma, de l'enseignement. C'est une pratique que le Bouddha a enseignée parce qu'elle soutient la méditation. Alors la seconde méditation protectrice, c'est Metta Bhavana, le rayonnement de l'amour bienveillant. Et on peut pratiquer cela de différentes façons. Par exemple, on peut se dire, réciter, puis-je être en bonne santé, heureux et paisible, puissent mes parents être en bonne santé, heureux et paisible, puissent tous les êtres être en bonne santé, heureux et paisible. Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est comme on le fait tous les soirs, réciter le Metta Bhavana en disant Sabbe Sata Avera Hantu, etc. Puissent tous les êtres être libres de danger. Donc il y a différentes façons de pratiquer le rayonnement de l'amour bienveillant. Le minimum, c'est de se dire puissent tous les êtres être libres du danger, être en bonne santé et être heureux. Ça, c'est le minimum qu'il faut faire. Donc il y a beaucoup de bénéfices à la pratique de l'amour bienveillant. Le premier, c'est qu'on dormira facilement et paisiblement. Si on rêve, les rêves seront paisibles. Lorsqu'on se réveillera, on sera aussi paisible. Un deuxième bénéfice, c'est que les gens nous aimeront. Les êtres célestes aussi nous aimeront. Et en outre, ils nous protégeront des dangers. Nous serons aussi protégés des armes qui manqueront leur cible. Le poison ne nous affectera pas. Et notre esprit sera stable et lumineux. Donc la pratique de Metta rend notre esprit calme, l'empêche de partir dans tous les sens. Une personne qui a l'habitude de pratiquer l'amour bienveillant sera aussi sans confusion à l'approche de la mort. Il sera capable de continuer à développer sa connaissance même à l'approche de la mort. Et après la mort, il pourra se rendre dans les mondes de Brahma, donc les plans célestes de Brahma, qui est l'endroit où en général vont les gens qui ont pratiqué les jhanas, les absorptions pendant leur vie. Donc cette pratique nous protège et c'est pourquoi le Bouddha l'a recommandé. Donc il y a beaucoup de récits qui illustrent les bienfaits donc de cette pratique et le fait qu'elle protège. Par exemple, l'histoire de Uttara, qui était une femme à l'époque du Bouddha, qui avait atteint le stade de Sotapanna. Et elle venait d'une famille pauvre au départ, mais son père était devenu riche. Toute la famille, d'ailleurs, était Sotapanna, parce qu'ils avaient tous pratiqué l'enseignement du Bouddha. Mais un jour, en raison de circonstances, elle a dû épouser quelqu'un qui n'était pas bouddhiste. Et elle n'était pas très heureuse avec son mari, parce qu'elle ne pouvait jamais voir ni les moines, ni le Bouddha. Son père lui donna un jour 15 000 pièces de la monnaie de l'époque, et elle a utilisé cet argent pour engager une belle courtisane du nom de Sirima. Et alors qu'elle mettait cette courtisane à disposition de son mari lui donna l'autorisation d'aller voir le Bouddha pour 15 jours. Et donc, Uttara était très contente et elle se rendit chez le Bouddha. Et là, elle passa tout son temps dans la cuisine, en transpirant, en besognant, etc. Et il s'est fait que son mari l'a vue dans cette situation et il a souri en pensant, mais elle est folle, elle ne sait pas comment prendre du bon temps. Donc son mari pensa qu'elle ne savait pas comment prendre du bon temps et donc qu'elle s'attachait elle-même en fait, en, en, en passant son temps à la cuisine. Et donc Sirima, qui entendit ces paroles, oublia qu'elle n'était pas la femme du mari d'Uttara, et elle devint jalouse. Et donc elle pensa à envoyer une bouteille de beurre brûlant sur Uttara. Alors, Uttara vit Sirima arriver, mais de son côté, elle était très reconnaissante envers Sirima parce que c'est elle qui lui donnait l'occasion de pouvoir servir le Bouddha joyeusement en cuisinant. Mais elle comprit par contre bien que Sirima était tout à fait en colère et elle se dit en elle-même, puisse ce beurre me brûler si je ressentais la moindre animosité envers Sirima. Par contre, si je ne ressens aucune animosité envers elle, puisse ce beurre devenir froid avant de me toucher. Et donc Sirima versa le beurre brûlant sur Uttara, mais avant de sur sa tête, mais avant de la toucher, il devint froid. Voilà, donc c'était un exemple tiré des Écritures sur la façon dont l'attitude bienveillante, l'attitude d'amour bienveillant, peut apporter de la protection. Et le Bouddha a déclaré, conquérissez les gens en colère avec l'absence de colère. Le troisième type de méditation protectrice, c'est Asubha Bhavana, la réflexion sur le caractère répugnant de notre propre corps. We can think of it also as like a car. When a car is all put together and all the parts are working, it works together as a whole, then it looks good. But just as parts, it doesn't have the same attraction for us. Donc, Asubha Bhavana, la réflexion sur le caractère répugnant du corps. Selon les textes bouddhistes, le corps est constitué de 32 parties, comme par exemple les cheveux, les poils, les ongles, la peau, les os, le foie, les poumons, etc. Mais en pratique, on peut limiter cette liste à seulement 5 parties, les cheveux, les poils, les ongles, à la fois des pieds et des doigts, les dents et la peau. Et ces 5 parties constituent, pour ainsi dire, notre corps. Et lorsque toutes les parties sont à leur place, on se sent bien, parce que on est content à propos de notre corps, et du coup, on aime aussi le corps des autres. Mais si on réfléchit autrement, si on réfléchit à ces 5 parties et qu'on les visualise comme un tas, tout d'un coup, ce sera beaucoup moins attrayant. Ça ne paraîtra plus comme une personne. C'est la même chose d'ailleurs pour les voitures. Tant que toutes les parties sont ensemble, ça, c'est plaisant. Mais dès le moment où les parties sont séparées, ça perd tout son attrait. Donc je pense toujours à ceci quand dans cette occasion. Évidemment, si on veut voir une partie de la voiture et qu'on la voit, on sera content de voir cette partie. Mais si par contre on veut voir une voiture et qu'on n'en voit que des parties, là, on sera pas content. Et c'est la même chose pour le corps. Si on veut voir une personne, mais qu'on ne voit que des parties du corps, on ne sera pas heureux. Alors, pour quelles raisons devrions-nous faire cette pratique? C'est parce que à partir du moment où on est parvenu à développer un peu de concentration, des images attrayantes de gens, de personnes ou de choses sont susceptibles d'apparaître. Et il est possible qu'on aime ou qu'on soit fasciné par ces images. Alors, si on se laisse entraîner, la méditation s'arrêtera. Mais par contre, si on a pris l'habitude de pratiquer la contemplation de l'aspect répugnant du corps à l'avance, l'attrait n'apparaîtra sans doute pas. L'attrait pour ces images n'apparaîtra sans doute pas, parce qu'on continuera à noter, voir, et l'image partira. Et même si l'attrait devait apparaître, il serait relativement facile à écarter par la suite. La dernière des méditations protectrices, c'est Maranasati, la contemplation de la mort. Donc la vie ne dure pas, la mort est certaine, elle est inévitable, et lorsqu'on sait cela, on se pose la question: qu'est-ce que je dois faire pour me préparer et pour continuer à vivre? Et donc il faut vivre de façon à ce que nos actions, à ce que nos paroles et à ce que notre mental soit pur. C'est ça la réponse. Si on voit la mort, si on parvient à voir la mort, on peut être préparé. C'est comme voir un serpent à l'avance. Si on le voit à l'avance, on peut l'éviter. So these four types of meditation are first of all the recollection of the qualities of the Buddha or of the Dhamma, metta or loving kindness meditation, asubha bhavana or reflection on the foulness, loathsome aspect of the body, and maranasati, recollection of death. It's enough to practice each one of these for a minute in each day for a total of about 5 minutes. And it's good to remember the meaning of the words that I explained, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa, when we do it, because that constitutes recollection of the qualities of the Buddha, if we bring that to mind. And when we do loving kindness, to remember the meaning of what we're chanting. So these are traditional meditations that are useful, are needed everywhere, but they're especially helpful to our practice. So I hope that all of you will be able to practice undisturbed and to gain the knowledge and peace that you so desire. Donc ces quatre types de méditation, la contemplation des vertus du Bouddha ou du Dhamma, le rayonnement de l'amour bienveillant, la contemplation de l'aspect répugnant du corps et la remémoration de la mort, il est suffisant de les pratiquer chacune une minute chaque jour, donc au total 5 minutes. Et il est bon aussi de se souvenir des mots que l'on récite avant de prendre les préceptes, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Donc ces méditations, c'est comme un médicament traditionnel qui est utile, qui est nécessaire partout, tout le temps, mais aussi surtout pendant la pratique de la méditation. Donc j'espère que en pratiquant de cette façon, vous pourrez atteindre la paix que vous recherchez. Sadhu, sadhu, sadhu.